Section 17 de Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Pfeffel. La pipe, chanson de Pfeffel. Bonjour, mon vieux. Eh bien, comment trouvez-vous la pipe? Montrez donc. Un pot de fleurs, en terre rouge, avec des cercles d'or. Que voulez-vous pour cette tête de pipe? Oh, monsieur, je ne puis m'en défaire. Elle me vient du plus brave des hommes, qui, Dieu le sait, l'a conquise sur un bassin, à Belgrade. C'est là, monsieur, que nous fîmes un riche butin. Vive le prince Eugène! On vit nos gens faucher les membres des Turcs comme du regain. Nous reviendrons sur ce chapitre une autre fois, mon vieux camarade. Maintenant, soyez raisonnable. Voici un double ducat pour votre tête de pipe. Je suis un pauvre diable, et je vis de ma solde de retraite. Mais, monsieur, je ne donnerai pas cette tête de pipe pour tout l'or de la terre. Écoutez seulement. Un jour, nous autres hussards, nous chassions l'ennemi à cœur joie. Voilà qu'un chien de janissaire atteint le capitaine à la poitrine. Je mis le capitaine sur mon cheval, il en eût fait autant pour moi, et je l'amenai doucement loin de la mêlée chez un gentilhomme. Je pris soin de sa blessure, mais quand il se vit près de sa fin, il me donna tout son argent avec sa tête de pipe. Il me serra la main et mourut comme un brave. Il faut, pensai-je, que tu donnes cet argent à l'hôte qui a trois fois souffert le pillage. Mais je gardai cette pipe en souvenir du capitaine. Dans toutes mes campagnes, je la portais sur moi comme une relique. Nous fûmes tantôt vaincus, tantôt vainqueurs. Je la conservai toujours dans ma boîte. Devant Prague, un coup de feu me cassa la jambe. Je portai la main à ma pipe et ensuite à mon pied. Je me suis ému en vous écoutant, bon vieillard, ému jusqu'aux larmes. Oh, dites-moi comment s'appelait votre capitaine, afin que je l'honore moi aussi et que j'envie sa destinée. On l'appelait le brave Walter. Son bien est là-bas, près du Rhin. C'était mon aïeul, et ce bien est à moi. Venez, mon ami, vous vivrez désormais dans ma maison. Oubliez votre indigence, venez boire avec moi le vin de Walter, et mangez le pain de Walter avec moi. Bien, monsieur, vous êtes son digne héritier. J'irai demain chez vous, et en reconnaissance, vous aurez cette pipe après ma mort. Fin de la section 17.